Chapitre 7 La légende de sa mort. Anatole France dit que sur la reine Cléopâtre il a été écrit 2 tragédies latines, 16 françaises, 6 anglaises et 4 italiennes. Dans quelques lustres, la bibliographie théâtrale de Matahari sera peut-être aussi abondante et aussi variée que celle de la célèbre séductrice orientale. De partout, en effet, d'Allemagne, de Pologne, de Hollande, de Bohême, parviennent des échos annonçant de futurs drames consacrés au mystère de la vie et de la mort de la femme qui semble se convertir peu à peu en un symbole sanguinaire et voluptueux de la fatalité moderne. Jusqu'aujourd'hui, cependant, le seul qui ait eu la hardiesse de présenter à la scène la danseuse rouge, c'est Charles-Henri Hirsch. Cette œuvre, comme toutes celles du même auteur, est littérairement superbe. Mais elle est cruelle et injuste, car elle dépouille la malheureuse fusillée de la seule chose que ses accusateurs les plus acharnés n'avaient pas osé lui dénier. Le courage, dans toutes les circonstances de la vie, l'orgueil dédaigneux devant ses juges, l'impassibilité en face de la mort. Plus loin, en arrivant à la partie de cette histoire qui n'est pas légendaire mais bien réelle, nous entendrons le docteur Bralès narrer les derniers moments de la condamnée avec une admiration qui rappelle celle des jeunes Athéniens glossateurs de la sublime agonie de Socrate. Pour l'instant, il s'agit de nous rendre compte des images multiples et contradictoires que le monde s'est formé de la plus fameuse des espionnes. Celle que la danseuse rouge nous offre n'est ni odieuse ni sinistre. Elle est triste, faible, tremblante et inconsciente. Le dramaturge, dont le pacifisme se fait jour à chaque instant, ne garde pas le moindre doute sur la culpabilité de son héroïne. La femme qu'il nous présente ne nie pas ses crimes. Elle essaie seulement de les expliquer, de les excuser, de se les faire pardonner. La scène dans laquelle l'accusée, après avoir nié contre l'évidence, se décide à tout avouer est profondément émouvante. « Je ne veux pas mentir plus longtemps, » dit-elle. « Je vais tout vous dire comme je le dirais à la Sainte Vierge. Vous êtes les juges de mes fautes. Non, c'est trop peu. De mes crimes, il est très difficile de s'expliquer devant des étrangers qui connaissent mal l'âme des êtres nés sous d'autres climats. Toute ma vie m'apparaît soudain. Je me vois naissant dans la plus pauvre chaumière de pauvres paysans. Ma mère, en me donnant le premier baiser, me murmure à l'oreille « Pourquoi, pauvre créature de Dieu, fruit de mes entrailles, es-tu venu connaître la faim qui ne nous quitte pas ?» En effet, dans notre maison, il n'y avait presque jamais de pain. Mon père, quand il rentrait ivre, se moquait de mes cheveux et de ma maigreur. Parfois, il me frappait. J'étais maigre parce que je ne mangeais pas tous les jours. Ma mère, pour me nourrir comme elle pouvait, me donnait un verre d'eau-de-vie le matin, quand elle savait que je n'aurais plus rien de la journée. C'était de l'eau-de-vie qu'elle volait à mon père quand il était endormi. À 13 ans, je perdis ma mère et je me trouvais seule au milieu du chemin. Je ne savais déjà plus ni rire ni sourire. Les blés étaient plus hauts que moi. Je savais qu'il n'est pas permis de prendre même un seul épi. Je me nourrissais d'herbe, et la nuit je pleurais, et les étoiles pleuraient en me voyant. Ainsi se passaient les jours, les semaines, les mois. Enfin, un homme, un jour, me dit que j'avais des cheveux et des yeux très jolis. En l'entendant, je sentis qu'un rayon de soleil pénétrait dans mon cœur, jusque-là si obscur. Cet homme m'emmena à Moscou, où j'eus des chaussures et des vêtements neufs. J'avais honte, car ses caresses me répugnaient. J'avais honte, mais j'avais peur aussi de retomber dans la misère. Il m'apprit à lire, il m'enseigna à danser. Soudain, je connus l'amour en la personne d'un bel étudiant pauvre qui sortait, comme moi, de la basse classe paysanne. La police secrète l'arracha de mes bras. Jamais je n'ai su ce que la police politique avait fait de sa jeunesse, de sa force, de son idéal. Alors la peur même de cette police me fit me livrer à elle. Pour n'être point victime de la police, je m'en fis la servante. On me payait bien. J'aimais l'or comme un talisman qui devait rendre impossible le retour de la faim, de la misère, du froid. La police partout exigeait mes services. D'abord, je renseignais la police russe sur des choses étrangères, puis je renseignais la police allemande sur des choses anglaises, puis l'Italie sur des choses autrichiennes, puis la France sur des choses de divers pays. J'ai connu des rois, des princes, des généraux, des ministres, des ambassadeurs. Tous parlaient devant moi avec entière confiance. Je répétais leurs conversations sans penser aux conséquences de mes paroles. Les frontières n'existaient alors que sur les cartes de géographie. Et pour moi, nomades et cosmopolites, elles existaient moins encore que pour quiconque. J'allais où me menait la danse et mon caprice. Pourtant, à la déclaration de guerre, j'eus conscience de l'importance de mes actes. C'est pourquoi je voulus me retirer à la campagne, en France. Mais là aussi vint me dénicher la police française, pour m'obliger à la servir, pour m'y obliger en me menaçant. Après une mission en Hollande, je dus me résigner à accepter une autre mission. Étant à Bruxelles, je fus découverte, arrêtée et menacée de mort par les Allemands qui m'obligèrent à parler. Puis, pour m'arracher de leurs griffes, pour m'arracher à la mort, je dus les servir. Vous ne savez pas, vous autres juges, ce qu'est chez une femme la peur de la mort. Vous êtes brave, vous êtes courageux, je ne le suis pas. Je souffris 2 jours, au bout desquels j'obtins de passer en Hollande pour les servir mieux. En Hollande, la police allemande me fit savoir que ma vie était partout à la merci de ses agents secrets. J'ai été un instrument entre leurs mains, rien que cela, une malheureuse façonnée par la faim, par la terreur, par l'esclavage, une misérable, c'est cela, rien que cela. Vierge, sainte Vierge, ayez pitié de moi. Intercédez pour qu'on me fasse grâce, pour qu'on ne me tue pas, ô très sainte Vierge. Au théâtre, dans un décor qui veut représenter un prétoire sévère, cette scène que je résume en peu de lignes et qui est le centre de gravité de la tragédie émeut tous les spectateurs. Mais je le répète, c'est une scène qui n'a rien à voir avec la psychologie de Mata Hari. Et je ne fais pas allusion seulement à des inexactitudes biographiques, non plus qu'à la grande inexactitude consistant à faire avouer son crime par une femme qui, d'après la chronique des tribunaux, ne cessa point de proclamer son innocence. Le dramaturge et le romancier ont sans doute le droit de retoucher les événements matériels. Ils n'ont pas le droit, par contre, d'adultérer l'âme, le caractère, ce qui constitue la physionomie morale et spirituelle d'un personnage. Et si, en Mata Hari, tout est mystérieux, c'est hormis quelque chose qui s'appelle énergie, sérénité, audace, courage. Sa mort socratique. Je sais bien que l'éminent auteur dramatique pourrait m'interrompre pour me dire « Pardon, pardon, détruire cette légende menteuse de sa mort socratique, voilà justement le but de ma tragédie. La vérité est vraie, l'unique vérité est celle que j'offre aux historiens futurs. Cette femme ne fut qu'une triste cabotine, jusque dans son cachot. » Pour nous faire accepter sa singulière version d'une exécution fictive, l'auteur n'a d'autres données psychologiques que le fait, très romanesque et très réel en même temps, que le défenseur de la danseuse rouge avait été son amant et continuait de l'aimer. La conduite observée par le grand avocat pour expliquer le double caractère de son intérêt pour l'accusé, nul en dehors des juges ne la connaît exactement. Mais telle que la scène surgit dans l'œuvre de Hirsch, Après une digne et courageuse déclaration du peintre Urbach, elle a tout l'air de n'être point qu'une pure fantaisie littéraire. Pour quel motif avez-vous cessé de voir la danseuse à partir de 1910 ? Demande le commissaire du gouvernement au témoin. Pour la simple raison que je ne me trouvais presque jamais dans la même ville qu'elle. En 1910, ajoute le commissaire du gouvernement, cette femme dénonça un de nos officiers qui se trouvait en Allemagne. Sans aucun doute, vous l'avez su. En mon âme et conscience, la seule chose que je puisse dire, la voici. Les gens qui entouraient la grande artiste étaient, à mon goût, trop frivoles et trop bruyants, rien de plus. Alors, sortant de son effacement, l'avocat demande à faire une très grave révélation. Et s'adressant aux juges militaires, il leur dit à peu près ceci. Je connus l'accusée à Monte-Carlo en 1907. Je l'aimais, je l'adorais. Elle me fit connaître le royaume divin de l'amour. 2 années durant, je fus heureux à ses côtés. À l'automne de 1909, elle cessa de m'aimer, et je commençais alors à souffrir de la blessure que je porte encore au cœur. De temps à autre, nous nous voyons, mais c'était toujours de plus loin en plus loin à cause de mes travaux. Peu avant la guerre, le procureur de la République, mon ami intime, me fit part des soupçons qui pesaient sur cette femme. À ces révélations, moi, égoïste, je ne pensais qu'à ma dignité sociale en péril. Et ce n'était pas là mon devoir. Mon devoir était de défendre la pauvre créature que vous voyez ici contre ceux qui la poussaient à l'abîme, contre les guet-apens du destin. Lâchement, je ne le fis pas. J'ai pu savoir qu'elle appartenait au vil service de l'espionnage sans rien tenter pour l'arracher à cette horreur. Ainsi donc, ses fautes, à elle, sont, jusqu'à un certain point, mes propres fautes. Je m'accuse de complicité par lâcheté et par égoïsme, car sans mon égoïsme et sans ma lâcheté, vous ne la verriez pas aujourd'hui sur le banc d'infamie. N'oubliez pas ma part de faute en la jugeant. Et il y a tant d'honnêteté dans les paroles de ce défenseur du droit, il y a tant de souffrance sur le visage de cet homme qui a la réputation d'être impassible, il y a tant de tendresse dans les regards de ce juriste sentencieux, que les rudes soldats composant le conseil de guerre ne peuvent cacher l'émotion qui les étreint. Seule l'accusé reste rigide et énigmatique. « Introduisez un autre témoin !» ordonne le commissaire du gouvernement, désireux de dissiper l'angoisse qui plane dans l'atmosphère. Et tandis qu'Olga, la femme de chambre, parle de sa maîtresse avec affection, louant sa bonté infinie et son inépuisable générosité, dans la pensée des spectateurs, commence à se préciser la personnalité d'une Matahari qui n'est plus à présent l'être quasi diabolique et tout à fait inconscient qui séduit pour séduire, qui trahit pour trahir, qui est malfaisant comme le miel est doux et comme le fiel est amer. D'une Matahari qui, loin d'être perverse par instinct, est née pour aimer, pour chérir, pour vivre dorlotée dans un nid tiède et douillet. D'une Matahari qui n'est pas l'obscure victime du destin insondable et incompréhensible, mais la victime immédiate de la société contemporaine, plus cruelle et plus dévoratrice que les fauves de la jungle. Le drame dès lors s'éclaircit et perd de son mystère troublant. Devant ces péripéties, la conscience humaine à présent ne s'émeut plus, se demandant si, en faisant fusiller la danseuse rouge, la justice aveuglée par les circonstances n'a pas commis une erreur. L'espionne, atteinte et convaincue, n'est plus qu'une de ces malheureuses qui, au jeu sinistre des intrigues tragiques, misent et perdent. Une sœur de Marguerite Francillard, de la Ticelli, de la Lofroy, de la Schmitt, d'Ottilia Moss. Une ombre de plus dans l'antre du cachot, un corps parmi les autres corps féminins de la fosse des justiciers de Vincennes. Mais en même temps, ce qu'il y a de noble, de voluptueux et d'extraordinaire chez la femme qui vécut et mourut en artiste, ce qui fait d'elle une créature fatale et irrésistible, digne de préoccuper un Shakespeare et de séduire un Balzac, ce qui constitue son auréole en somme, s'évanouit. Charles-Henri Hirsch assure, dans une lettre adressée à Comédia, qu'un magistrat lui dit le lendemain de la mort de Matahari que si la fameuse espionne avait montré tant de courage en face des fusils, c'est parce que quelqu'un lui avait fait croire que l'exécution ne serait qu'un simulacre. Mais ceux qui connurent la ballerine protestent contre une telle légende. Et réellement, quand on voit à travers les documents du procès l'énergie tranquille et tenace de l'inculpé, il n'est pas possible d'ajouter foi à l'histoire de sa peur invincible, maladive, presque hystérique, à la seule idée de la mort. La scène où l'avocat se décide à mentir par miséricorde est celle qui révèle le mieux l'âme de la danseuse rouge, telle que Charles-Henri Hirsch veut nous la montrer. Affolée après la sentence, la condamnée dit à son défenseur « Qu'on m'enferme, qu'on m'enchaîne, qu'on me torture nuit et jour, que ma vie ne soit qu'une souffrance ininterrompue, mais qu'on me laisse vivre, je ne veux pas mourir, non, je ne veux pas mourir. » Entre quatre murs, sans pouvoir parler, et dans les ténèbres perpétuelles, je me croirais encore heureuse en me sentant vivante. Le corps couvert de plaies, aveugle, paralytique, je voudrais encore vivre. Qu'on ne me laisse que le droit de respirer. Je ne demande pas davantage. Ma peur de mourir est effroyable. Le mot est exact. C'est une peur effroyable, une peur démente et véhémente, une peur puérile, instinctive, incapable de raisonner, une peur d'animal blessé et traqué, une peur qui crie, qui gémit, qui sanglote, qui menace, qui se traîne. Et c'est en outre une peur cruelle, une peur égoïste. « Pour sauver ta vie, murmure l'avocat, je donnerai la mienne. » À quoi avide, elle répond, et moi je la prendrai. Tout en effet, toute humilité, toute vilenie, tout héroïsme, tout l'humain et tout l'inhumain lui semble acceptable pour ne pas mourir. Les phrases consolantes de la religion, de la philosophie, de la simple expérience populaire, qui savent si bien, dans les circonstances pathétiques, rendre presque agréable l'idée de la mort, n'ont pas de sens pour elle. Elle n'entend que les voix confuses et impérieuses de sa vitalité affolée par la peur. Et son exaltation atteinte à un tel point que l'austère juriste, qui jusqu'alors n'avait jamais menti, lui jure que son exécution ne sera qu'une parade et qu'au moment où retentira le commandement de « feu », un héros se présentera pour annoncer la clémence du chef de l'État. Par respect pour la vérité, il faut dire que, quoique romanesque et absurde, cette légende n'a pas trouvé grande créance auprès du public. D'aucuns croient que Matahari, coupable et convaincu, finit par avouer son crime. D'autres, au contraire, la tiennent pour victime d'une erreur judiciaire. Mais tous sont d'accord pour admirer le tranquille sourire avec lequel, un matin de l'automne 1917, elle se dirigea sans hâte vers le sinistre fossé de Vincennes.